Vilain petit Satan, méchant enfant, le voir m'exaspère. Va-t'en, va-t'en, je te battrai. Il est insupportable. Je suis trop bonne encore de le souffrir à table. Il m'a taché ma robe, il a bu tout le lait, à la cave, au pain sec. Et puis, il est si laid. À qui donc parle-t-on? À Paul. Pauvre doux être. Hélas, après avoir vu l'aïeul disparaître, Paul vit dans la maison entrer un inconnu. C'était son père. Puis une femme au sein nu, allaitant un enfant. L'enfant était son frère. La femme labora sur le champ. Une mère, c'est le sphinx. C'est le cœur inexorable et doux, blanc du côté sacré, noir du côté jaloux, tendre pour son enfant, dur pour l'enfant d'une autre. Souffrir, sachant pourquoi, martyr, prophète, apôtre, c'est bien. Mais un enfant, fantôme aux cheveux d'or, être déjà proscrit, n'étant pas homme encore. L'épine de la ronce, après l'ombre du chêne. Quel changement! L'amour remplacé par la haine. Paul ne comprenait plus. Quand il rentrait le soir, sa chambre lui semblait quelque chose de noir. Il pleura bien longtemps. Il pleura pour personne. Il eut le sombre effroi du roseau qui frissonne. Ses yeux, en s'éveillant, regardaient, étonnés. Ah, ces pauvres petits! Pourquoi donc sont-ils nés? La maison lui semblait sans jour et sans fenêtre, et l'aurore n'avait plus l'air de le connaître. Quand il venait, « Va-t'en, délivrez-moi de ça !» criait la mère. Et Paul lentement s'enfonça dans de l'ombre. Ce fut comme un berceau qu'on noie. L'enfant, qui faisait tout joyeux, perdit la joie. Sa détresse attristait les oiseaux et les fleurs, et le doux bout en train devint souffre-douleur. « Il m'ennuie, il est sale, il se traîne, il se vautre !» On lui prit ses joujoux pour les donner à l'autre. Le père est laissé faire, étant très amoureux. Après avoir été l'ange, être le lépreux. La femme, en voyant Paul, disait « Qu'il disparaisse !» Et l'imprécation s'achevait en caresse. Pas pour lui. « Viens, toi, viens, l'amour, viens, mon bonheur. J'ai volé le plus beau de vos anges, Seigneur, et j'ai pris un morceau de ciel pour faire un lange. Seigneur, il est l'enfant, mais il est resté l'ange. Je tiens le paradis du bon Dieu dans mes bras. Voyez comme il est beau. Je t'aime. Tu seras un homme. Il est déjà très lourd, mais c'est qu'il pèse presque autant qu'un garçon qui marcherait. Je baise tes pieds, et c'est de toi que me vient la clarté. » Et Paul se souvenait, avec la quantité de mémoire qu'auraient les agneaux et les roses, qu'ils s'étaient entendus dire les mêmes choses.